الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، لون جاء الله سبحانه وتعالى qui nous a guidé vers cette voie. Sans lui, on n'aurait pas pu prendre cette voie qu'il a agréée, subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, matin et soir, en public et en privé. Prière et salutations sur notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses nobles compagnons, radouanullah alayhim. C'est notre troisième assise, inshallah, autour du sujet, comment s'explique le Coran. Prions Allah, subhanahu wa ta'ala, nous devons être conscients des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et en être reconnaissant pour qu'il nous les augmente subhanahu wa ta'ala, car c'est avec la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala que les bienfaits demeurent et augmentent, et avec l'ingratitude ils diminuent, ils disparaissent. Nous voilà réunis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rappeler ce qui va nous servir le jour où on retrouvera notre souverain, subhanahu wa ta'ala. Nous nous réunissons pour se rappeler certains points pourtant concernant la parole du clément, subhanahu wa ta'ala. Et ce Coran, il est descendu pour qu'il soit médité, pour qu'il soit compris, pour qu'on le mette en application. ربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, s'ils ne méditent pas le Coran, ça veut dire que leurs cœurs sont cadenassés. Et le terme le cœur cadenassé que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, cela veut dire, comme il a dit Saadi rahimahullah, que le cœur réforme le mal et donc la vérité ne peut pas y accéder. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et concernant l'interprétation du Coran, il y a un terme qui revient souvent dans la parole et dans les écrits des hommes de science, qui est le terme de ta'wil. Ce terme a plusieurs significations. Il veut dire la réalisation. Comme le verset dans Sourate Yusuf nous dit, wa qala ya abati هذا تأويل رؤياي من قبل. Le verset nous dit, dans sa traduction approximative, voilà la réalisation du rêve que j'ai fait auparavant. تأويل, réalisation. Et aussi dans le verset qui nous dit, هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. Prie de rakat, inshallah. Prie de rakat. Et aussi dans le verset qui nous dit, هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. La traduction approximative du sens du verset, attend-il uniquement sa réalisation, تأويله, le jour où il se réalisera. Ici, il s'agit des événements du jour de l'au-delà. Autrement dit, le jour où se réalisera ce dont ils ont été informés concernant la résurrection. Et donc, nous avons une deuxième signification de ce terme ta'wil, c'est tafsir, c'est l'interprétation, c'est l'explication du Coran pour rendre sa compréhension facile. Et ceci, c'est l'usage courant du terme ta'wil chez les exégètes. Les exégètes, tels que l'imam Tabari, rahimahullah, et bien d'autres. Et nous avons une troisième forme de ta'wil, c'est le ta'wil blâmable. C'est la déformation des sens par ceux qui ont la déviance dans leur cœur. Cette interprétation blâmable consiste à dévier la signification prépondérante des termes vers une signification non prépondérante. Et ceci est l'usage de l'Asha'ira et de l'Maturidiya concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi de certaines tendances contemporaines dans leur interprétation des textes concernant les attributs d'Allah. Et ils agissent ainsi, prétendant qu'il convient mieux, c'est-à-dire déformer les sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, convient mieux pour exempter Allah subhanahu wa ta'ala de toute ressemblance avec ses créatures. Et ceci, on le retrouve dans des tendances contemporaines comme l'Ahbash, et comme toutes les Asha'ira à travers le monde, il m'a étudié là-bas en Asie. Et on le trouve aussi chez certains prédicateurs qui se prétendaient, entre parenthèses, être salafis. Ils donnent de nos jours des significations fausses aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce prétexte d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de la ressemblance avec ses créatures. Mais ce prétexte est à rejeter. Et il est rejeté par les hommes de science. Car cette fausse interprétation les a fait tomber dans un problème similaire à celui qu'ils ont fui, voire dans un problème encore plus grave encore. Lorsqu'ils interprètent la main d'Allah subhanahu wa ta'ala par la capacité d'Allah ou par la puissance d'Allah, ou la descendante d'Allah subhanahu wa ta'ala par la descente de ses ordres ou la descente de sa clémence. Et ceci est une énorme contradiction de leur part, car ils sont tombés de ce qu'ils ont prétendu fuir, puisque les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala ont aussi une puissance, ont aussi une capacité. Donc si la puissance et la capacité d'Allah existent, comme ces déviants l'ont affirmé eux-mêmes à Allah subhanahu wa ta'ala, il en est de même concernant la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si en revanche, l'affirmation de la main d'Allah est vaine et impossible, car il exige, comme ils le prétendent, la ressemblance avec ses créatures, il en est de même pour la capacité et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les humains ont aussi une capacité et une puissance qui correspond à leur faiblesse et à leur incapacité. Quant à la main et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, quant à la main et à la puissance d'Allah, il sied à la majesté d'Allah et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a les capacités et la puissance absolue. Subhanahu wa ta'ala. De ce fait, il n'appartient à personne de dire que les attributs d'Allah doivent être interprétés de sorte de remplacer la signification prépondérante, c'est-à-dire la signification dominante ou vitale, par la non-prépondérante, par prétexte d'exempter Allah de la ressemblance avec les créatures. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à ce niveau-là, il nous a instauré une règle dans le verset. Il a dit subhanahu wa ta'ala, « Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. » Rien ne lui ressemble, et il est celui qui entend et celui qui voit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la règle. Il s'est attribué lui-même, lui, il a vu. Mais il a dit, rien ne lui ressemble. C'est-à-dire personne, aucune chose ne peut ressembler à l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il suffit tout simplement à celui dont la aqida est saine et dont la raison est saine de se conformer à ce qui a été dicté par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et ce qui a été dicté par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna et la voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection. D'où le blâme sévère des imams parmi nos prédécesseurs de ce genre de ta'wil, de ce genre d'interprétation blâmable. Ils disent « Awwila » de ceux qui font ce ta'wil, ceux qui le pratiquent, car il change les sens et divise les gens. Et qu'on se rappelle que leur situation a été clairement clarifiée par le Coran. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui est équivoque ou ce qui est ambigu, cherchant à troubler les gens dans leur religion et à l'interpréter conformément à leur but et à leur projet et à leur passion. Et concernant ceux qui sont enracinés dans la science et qui sont dignes de la voix du messager alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection, le verset nous l'indiquerait ainsi: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. La traduction approximative du sens du verset: quant à ceux qui sont enracinés dans la science, ils disent: nous y croyons, tout vient de notre Seigneur. Ça, c'est la position de nos pieux prédécesseurs, radhiyallahu anhum, face au Coran clair et au verset ambigu. Donc, les égarés utilisent les versets ambigus comme moyen pour porter atteinte à la parole d'Allah Azza wa Jal, et pour créer la dissension et pour troubler les gens dans leur religion avec ces fausses interprétations. Ils s'égarent et ils égarent les gens aussi. Alors que ceux qui sont enracinés dans la science croient que tout ce qui vient d'Allah est la vérité. Il n'y a aucune divergence là-dessus, ni contradiction, car il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset nous dit: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il est dit, dans la traduction approximative du sens du verset: s'il provenait d'autre qu'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Les enracinés dans la science, tout texte ambigu, ils l'interprètent à la lumière des versets au sens clair. Et ainsi, tout est clair et précis chez les disciples de la voie du messager alayhi salatu wassalam et de ses compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Les disciples de la salafia, ceux qui suivent leur pieux prédécesseur, d'Allah, croient qu'Allah a deux mains réelles qui correspondent à sa majesté et à sa grandeur et qui n'ont aucune ressemblance avec les mains de ses créatures. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien ne lui semblable, il est celui qui entend et voit tout. De même, il croit qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône comme il sied à sa majesté, à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل الرحمن على العرش استوى. Le très miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Au-dessus du trône. De même qu'il croit qu'Allah descend le dernier tiers de la nuit vers le ciel de ce bas monde. Et comme il sied à sa grandeur et à sa majesté, et on ne cherche pas comment il descend, ni on commence à desserter comme il desserte les divions. S'il descend, le trône va être vide. S'il descend, ça veut dire qu'il est toujours en descente, parce que le tiers de la nuit en Afrique n'est pas le même en Amérique, et il n'est pas le même en Asie, et il n'est pas le même en... Qui t'a dit de rentrer? Hein? T'as raison dans tout cela. C'est quelque chose qui dépasse la raison. C'est quelque chose que la raison humaine ne peut pas capter. Hein? Ceci, même notre messager alayhi salatu wassalam, ne le savait pas. Et les nobles compagnons qui étaient en face du prophète alayhi salatu wassalam ne se sont pas posé ce genre de questions qui sont une masturbation de l'esprit. Et hein, les idées qui doivent être, qui émanent des poubelles de la raison. Le fait de se poser des questions sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ceci n'est pas permis. La raison avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a doté les humains, est limitée. Il doit rester, il s'utilise, mais dans ses limites. Hein? Les nombreux compagnons d'Allah alayhim ont entendu, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala sourit. Ils ne se sont pas posé la question comment il sourit. Tout simplement un bédouin, dont la nature est saine, il a dit, donc, il ne nous proviendra que du bien d'un souverain qui sourit. Et tout simplement. Hein? Ils se sont pas posé la question comme, ces tendances déviantes comme l'ahbash, le sourire, ça émane d'une réaction intérieure, et c'est un sentiment, et qui exprime, qui t'a dit? Qui t'a dit de rentrer dans ces détails? Qui t'a dit de t'immiscer là où il faut pas? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé, c'est que c'est vrai. Ikhlas, et on prend l'attribut tel qu'il est, dans sa signification en arabe. Dahika, ça veut dire sourire. Khlas, c'est ce que ça veut dire en arabe. Comment? Ça ne me regarde pas. Hein? Les savants ont cité que l'ambigu dans le Coran est de deux sortes. La première catégorie d'ambigu, l'ambigu réel, que l'être humain ne saurait connaître, tel le comment de l'aisance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Mais on connaît la signification des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la langue arabe. يقول سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. La traduction approximative nous dit cela. Il connaît leur passé et leur futur, tandis qu'ils ne peuvent pas le cerner par leur connaissance. Abadan. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas cerner son essence, ses attributs, le comment de ses attributs. Tout ceci est inconnu et impossible pour les humains. وقال سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. La traduction approximative nous dit cela. Les regards ne peuvent le cerner pleinement, alors qu'il saisit tous les regards. Il est le bienveillant et l'omniscient. Regardez, à la fin du verset, il s'attribue, des attributs et des noms, subhanahu wa ta'ala. Les regards ne peuvent le cerner pleinement. Alors qu'il saisit tous les regards, et il est bienveillant, et il est le bienveillant et l'omniscient. Bien sûr, les croyants verront Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà. Comme cela est bien clarifié dans le Coran, et bien clarifié dans la sunna du prophète, alayhi sallam. Mais là, la situation est différente dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il dotera les humains d'une capacité qui va leur permettre de le voir, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une réalité que nient tous ceux qui ont dévié. Comme le Mu'tazila et d'autres qui nient le fait que les croyants vont voir leur souverain, subhanahu wa ta'ala, dans le delà. Et tout ceci, pour la négation de tout cela, ils se sont basés sur des ambiguïtés. C'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, fait interroger au sujet du verset Ar-Rahmanu ala l'arshi istawa. Le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. Comment il s'est établi? Et là, quand l'imam Malik a entendu cette réponse, tellement la question était énorme, il a baissé la tête jusqu'à ce que la sueur lui tombe sur le front. De l'énormité qu'il vient d'entendre. Comment il s'est établi? Il a levé la tête, radiyallahu anhu wa ardah, il a répondu ainsi. L'istiwa, l'élévation n'est pas inconnue. Et le comment dépasse la raison humaine. Et le fait d'y croire, c'est-à-dire d'y croire en istiwa, en élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il sait à sa grandeur, est une obligation. Et le fait de s'interroger sur le comment est une innovation. Et il a donné l'ordre qu'on sorte cet homme de la mosquée. Et il a dit, je vois que tu es un innovateur, et il a demandé l'ordre, et ils l'ont sorti de la mosquée. Parce qu'il a posé une question perturbante. Et il a émis sa raison là où il ne faut pas. D'où cette position sévère de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Le pieux prédisseur de Wallah Alim était sévère quand il le faut, face aux divions. Et face à ceux qui veulent jeter des ambiguïtés dans la communauté. Quand Omar ibn al-Khattab a attrapé Sabir, qui posait des questions sur ce qui est ambigu dans les versets, il l'a gardé 3 jours. Et chaque jour, il le sortait. Il lui donnait du coup sur la tête. Jusqu'au 3e jour, où Sabir lui a dit, « Ô prince des croyants, la maladie que j'avais dans la tête a disparu. Si tu veux me tuer, fais-le d'une façon... Mais la maladie que j'avais dans la tête est partie. Ça veut dire mes ambiguïtés, khlas. Je ne poserai plus de questions sur ce qui est ambigu dans le Coran. Et il l'a renvoyé en Irak. Il a demandé aux gens de l'Irak, dans la ville où il était, de ne pas lui parler. Personne ne lui parle. Il passe dans le marché, personne ne lui parle. Ils disent tous ça. C'est la détermination d'Omar ibn al-Khattab. Personne ne s'asseyait avec lui. Personne ne lui adressait la parole. Pendant 2 années après. Et quand il y a eu, après, quand à un moment donné, khlas, on a apporté à Omar ibn al-Khattab que khlas, l'homme il est guéri, etc. Il y a eu l'autorisation de s'asseoir et de parler avec lui, etc. Et quand tu as eu les perturbateurs qui allaient se soulever contre Uthman ibn Affan, ils sont venus voir Saber. Il lui a dit, ton moment est arrivé. Parce que c'est des gens qui suivent l'ambigu. C'est Khawarij. Suivent l'ambigu aussi. C'est ce qui les a jetés dans cette voie. Et donc ils sont venus le voir, ils lui ont dit, viens, c'est ton moment est arrivé. Il a dit, non. L'homme pieux m'a donné une leçon qui m'a guéri. L'homme pieux, parlons du prince des croyants, m'a donné une leçon qui m'a guéri. Et ainsi était nos pieux prédisseurs avec des porteurs des ambiguïtés et des déviants et ainsi. On comprend de cette réponse de l'imam Malik rahimahullah que la signification de l'istiwa nous est connue. Et le commande de l'istiwa nous est inconnu. Il est comme il sied à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut le savoir. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Rien ne lui est semblable. Il est celui qui entend et celui qui voit. Nous avons aussi une autre forme d'ambigu. La deuxième sorte d'ambigu dans le Coran. L'ambigu relatif, c'est ce qui peut être ambigu pour certains et il est clair pour d'autres. Tels les enracinés de la science au détriment des autres. Concernant ce genre de texte ambigu, il nous incombe tout simplement de demander aux savants qu'ils nous expliquent pour le saisir, car il n'y a rien dans le Coran dont la signification échappe à tout le monde. À part le comment de ce qui va être dans le delà, à part le comment des châtiments dans la tombe et des délices, et à part les noms et les attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, sinon, le reste, n'échappe pas à tout le monde. Les enracinés dans la science ont la connaissance, ont l'interprétation qu'ils ont retenu des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, qui aussi l'ont retenu. du messager, du noble compagnon, qu'ils l'ont retenu d'eux, du messager alayhi salatu wa salam. Qala subhanahu wa ta'ala, hada bayanul linnasi wa mou'idhatul lilmuttaqin. Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il écrit le Coran. Ceci, c'est-à-dire le Coran, est un exposé clair pour les gens, ainsi qu'un guide et une exhortation. Donc s'il est ambigu, comment ils peuvent s'exhorter avec? Comment ils peuvent être guidés avec? Hein? Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna ilayka al-kitaba tibyanan likulli shay, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. La traduction approximative nous dit, nous t'avons révélé le livre comme un exposé clair de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne annonce faite soumis à Allah. Hein? Donc s'il est un guide, s'il est un exposé clair, hein? Et dans lequel il y a les bonnes nouvelles qui sont annoncées aux croyants, cela veut dire qu'il y a ceux qui connaissent ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de science et qui ont hérité cette science ne viennent pas du vide. D'efforts qu'ils ont fait, ils l'ont hérité des pieux prédisseurs d'Allah alayhim et c'est pas des efforts de l'imagination. C'est pour cela que ce que nous ne comprenons pas, on revient vers ceux qui ont dit tiens le savoir. Et ne pas faire comme les négateurs des attributs d'Allah. Quand ils ont eu une ambiguïté avec ce verset, laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, ils sont tombés dans la négation des attributs d'Allah, en prétendant que leur affirmation à Allah implique la ressemblance avec ses créatures. Hein? Quand ils se sont retrouvés devant ce verset, rien n'est lui semblable, il est celui qui entend et qui voit tout. Et ils ont fait la négation. Au lieu de revenir vers les hommes de science et vers ceux qui sont enracinés dans la science pour leur expliquer, ben, ils sont tombés dans la négation. Ce qu'ils ont fui, ils sont tombés dans pire. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé. Il nous a clarifié la situation des enracinés. Des enracinés dans la science et ceux qui suivent l'ambigu dans le verset qui sont passés. Et après cela, il nous cite la position de ceux qui sont enracinés dans la science. Qui disent, Rabbana, لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Regardez maintenant, ils ont raciné comment ils reconnaissent les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets cités auparavant a cité la position de ceux qui suivent l'ambigu pour semer la zizanie et l'anarchie dans la communauté et le trouble. Et il a cité la position des enracinés. Et regardez la position des enracinés, qu'est-ce qu'ils disent de ce bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala il les a accordés. Il leur a accordé. Il dit, Seigneur, ne fais pas divier nos cœurs après nous avoir guidés et accorde-nous une miséricorde venant de toi, car tu es celui qui accorde tout. Et reconnaissent toute la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Comme certains le font, j'ai su ça par mon intelligence, j'ai eu ça par ma puissance, par mon pouvoir, par ceci, j'en passe. Le Bukhari, rahimahullah, nous rapporte un hadith qui est une interprétation de ce verset. Selon ce hadith, Aisha radiyallahu anha, relate que le messager d'Allah récita les paroles suivantes. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. Il a récité, sallallahu alayhi wa sallam, ce verset. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, contenant des versets au sens clair, qui sont la base du livre, et d'autres équivoques. Ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ce qui en est ambigu. Puis il a dit, alayhi salatu wassalam, lorsque vous voyez ceux qui suivent l'ambigu, sachez qu'ils sont ceux visés par Allah. C'est-à-dire dans ce verset. Hein? Donc, notre messager, alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde contre ceux-là. Hein? Et cela veut dire aussi que la mise en garde fait partie de notre religion, est un des fondements de la religion pour la réfutation du faux et des déviances. Et comme il dit ces versets, قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. La traduction approximative du sens de ce verset, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre contenant des versets au sens clair, qui sont la base du livre. Et d'autres équivoquent. Ceux qui ont dans leur cœur un penchant vers l'égarement s'attachent à ceux qui en est équivoque, cherchant à troubler les gens de leur religion et à l'interpréter conformément à leur passion, alors que nul n'en connaît l'exacte interprétation en dehors d'Allah. Quant à ceux qui sont ancrés dans la science, ils disent, nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, et seuls les doués de raison tire profit de ces exhortations. Ibn Kathir, rahimahullah, Muhammad ibn Ishaq, ibn Yasar, rahimahullah, a dit, le verset clair, le muhkam, ne peuvent ni être détournés, ni orientés vers autre chose de ce que pourquoi ils ont été établis. On ne peut rien faire. On ne peut pas les détourner. Ils sont clairs. Quant aux versets ambigus, le mutashabe, ils peuvent être détournés, orientés, interprétés. Allah a fait de ces versets une épreuve à laquelle les hommes sont soumis, de même titre que le licite et l'illicite. C'est une épreuve pour savoir est-ce qu'on va revenir avec l'ambigu vers les versets qui sont clairs et vers la parole du messager alayhi salatu wassalam et qu'on ne va pas chercher le trouble avec. Comme Allah nous a éprouvés avec les ordres, avec ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit. La même chose. Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte d'Ibn Abbas que Ibn Abbas a dit l'exégèse du Coran et l'interprétation du Coran est de quatre sortes, quatre formes. Une exégèse que tout le monde doit connaître et nul n'est pardonné s'il l'ignore. La connaissance de ce qui est interdit, de ce qui est ordonné, l'accomplissement de la prière. Hein? La connaissance d'Allah. Hein? Une deuxième interprétation, ou une deuxième exégèse, que les Arabes connaissent, car il fait partie de leur langage. Leur langue, l'arabe et leur nature. Comme le terme l'ilah, qui signifie celui qu'on adore. La troisième, une exégèse que connaissent les enracinés dans la science, qui n'échappe pas aux enracinés de la science, comme l'istiwa, qui signifie l'élévation. La quatrième, une exégèse qu'Allah seul connaît, telle le commande des attributs d'Allah et de son essence, Comment sont les délices dans la tombe? Comment sont les châtiments dans la tombe? Et tout ce qui va venir dans le delà. Et comme il a dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il est cité dans le Coran que dans le paradis, il y aura des grenades, il y aura des raisins. Il a dit, il n'y a que les noms qui se ressemblent. Il n'y a que les noms qui se ressemblent. Le comment échappe. Hein? Et ceci concernant tout ce qui est de l'invisible. On peut se poser la question suivante. C'est quoi le but dans le Coran? C'est quoi le but que dans le Coran, il y a des versets clairs qui composent la majorité et la base du Coran et quelques versets ambigus. Les savants ont répondu à cela. Ils disent que si le Coran était complètement clair, complètement muhkam, sans équivoque, le but de la mise à l'épreuve pour distinguer entre celui qui y croit vraiment et le met en pratique serait impossible. Car dans ce cas, toute tentative de déformation des sens des mots serait impossible, ainsi que tout déplacement des mots de leur contexte serait impossible. Et donc, l'ambigu auquel s'attache par passion certains serait inexistant. De même, s'il était entièrement ambigu, il ne serait plus un exposé explicite, ni un guide pour les gens. Sa mise en pratique serait dans ce sens très difficile, et y bâtir une aqida correcte serait pas possible. Mais la sagesse et la perfection absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que décrète Allah subhanahu wa ta'ala, a révélé des textes clairs, sans équivoque, à la lumière desquels doivent être expliqués les textes ambigus. Afin de mettre les gens à l'épreuve pour distinguer ceux dont la foi est sincère et ceux dont les cœurs penchent vers la déviance et vers les passions. Le vrai croyant, c'est que tout le Coran vient d'Allah. Et tout ce qui vient d'Allah, c'est la vérité. Et il est impossible qu'il comporte la moindre aberration ou la moindre contradiction. قال عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. La traduction approximative du sens nous dit ceux qui ont renié le rappel lorsqu'il leur est parvenu sont voués à la perte car c'est un livre inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, et il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Fait-on Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont une tendance vers l'égarement prennent de l'ambigu un moyen pour déformer le clair et le sortir de son contexte pour induire les gens en erreur et dévier ses lois aussi. Ou les rejette. C'est pour cela que ceux qui ont dévié dans la aqida et dans la pratique justifient leur égarement en s'appuyant sur des textes ambigus. Comme vous le savez tous, le Coran a été révélé au messager sallallahu alayhi wa sallam en fragments, fragmentés, selon les faits et les occasions, pour des sagesses et des buts grandioses. Et ceci, premièrement, pour raffermir le cœur du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce but qu'Allah a répliqué aux contestataires des polythéistes au sujet de la descente du Coran fragmenté. قال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. La traduction approximative de ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala réplique aux polythéistes nous dit: ceux qui ne croient pas disent: pourquoi ne lui a-t-on pas révélé le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur et nous te l'avons exposé en détail. C'est-à-dire, ils disent pourquoi le Coran n'a pas été révélé à Mohammed alayhi salatu wasalam comme les autres livres. On a une seule fois. Et regardez la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'érudit Abu Sham al-Maqdisi rahimahullah a dit: cet homme de science est mort en 665 de l'Hijr, dit: si on demande quel est le secret de la révélation du Coran par fragments et non en une seule fois comme les livres précédents, nous dirons qu'Allah s'est chargé de répondre à cette question dans le verset où il dit: ceux qui ne croient pas disent: pourquoi ne lui a-t-on pas révélé le Coran en une seule fois? C'est-à-dire, comme les autres livres qui l'ont précédé. Le verset leur répond: nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur. C'est-à-dire, pour donner davantage de force au cœur du messager alayhi salatu wassalam, car la révélation se succède selon les nouvelles occasions qui se présentent et il apporte le soutien et le confort au messager sallallahu alayhi wa sallam, qui bénéficie aussi des visites périodiques de Jibril alayhi salatu wa sallam avec ce qu'il ramène comme message du puissant subhanahu wa ta'ala. Et cela prodigue au messager sallallahu alayhi wa sallam un bonheur que les langues sont incapables de décrire. Et c'est pour cela qu'au mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux quand l'ange Jibril le fréquentait souvent pendant cette période. Et ceci est cité par Sirat al-Itqan. Et parmi les buts de la descente du Coran fragmenté, c'est de défier les mécréants et leur montrer leur incapacité d'imiter le Coran, qui est descendu dans leur propre langue. Ils ont protesté contre le fait que le Coran soit révélé fragmenté. Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés à apporter une sourate égale au Coran ou un verset égal au Coran. Ils étaient impuissants et incapables. Certes, le fait que le Coran a été révélé fragmenté est d'autant plus inimitable que s'il était révélé en une seule fois. Et il est prouvé que celui qui ne peut pas apporter une sourate égale à celle du Coran, à plus forte raison, il est incapable de venir avec un Coran semblable à celui qui a été révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette raison est évoquée dans certaines paroles d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, comme il le cite, Ibn Abi Hatim dans son exégèse, dit, Ibn Abbas a dit, chaque fois que les politistes apportaient quelques ambigus, Allah rapportait la meilleure réponse, la réplique à ces ambiguïtés. Aussi, le Coran est descendu fragmenté pour en faciliter la mémorisation et la compréhension. Et surtout, quand il s'agit des gens illettrés comme les Arabes, sur qui fut révélé le Coran. Ceci les a beaucoup aidés à l'apprendre par cœur et à le comprendre au fur et à mesure qu'un ou plusieurs versets leur étaient révélés. Ils l'apprenaient par cœur, méditent son sens et le mettent en application. Omar ibn al-Khattab a dit, comme cela est rapporté par le Bayhaqi dans Shu'ab, apprenez le Coran par partie de 5 versets, car l'ange Jibril avait l'habitude de le transmettre au prophète par 5 versets. Cette parole est confirmée de Omar. Certains salafs disent que ceci n'est pas en contradiction avec le fait qu'il y a eu de longues révélations au messager alayhi salatu wassalam. Mais ce qui est dit dans la parole de Omar, c'est ce qui se passait souvent. Donc le Coran descendait fragmenté pour revivifier les âmes des croyants aussi. On les prédisposons à accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et à le mettre en pratique. Ainsi, les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala attendaient avec patience la révélation du verset, surtout lors des circonstances où ils en ont vraiment besoin, comme lors de la diffamation de Aïcha radiallahu anha et autres situations. La descente du Coran en fragments suit les événements et la progression de la législation. Le Coran est descendu par degrés, en commençant par ce qui est principal. Le Coran a traité en premier lieu l'Iman, la foi, le monothéisme et tout ce qui a rapport avec l'Iman et avec le monothéisme. La croyance en Allah, en son existence, subhanahu wa ta'ala, en ses noms et ses attributs, en sa souveraineté, en le fait qu'il lui faut lui réserver le culte exclusivement. La croyance en ses anges, en ses livres, en ses messagers, en le jour dernier, et les détails qui s'en rapportent, et en les destins bons et mauvais, hein, et tous les détails qui s'en rapportent, tels la résurrection, les comptes de tout individu, que tout individu doit rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, le paradis, l'enfer, tout en apportant des preuves évidentes qui déracinent les fausses croyances des cœurs des polythéistes pour y faire germer les vraies croyances et la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Après que la foi s'est enracinée dans les cœurs des soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran a commencé à les appeler vers les bonnes valeurs, les bons comportements, et à leur interdire la turpitude, le blâmable et tout acte répréhensible pour déraciner toutes sortes de corruption et de mal. Ensuite, il a émis les lois du licite et de l'illicite concernant les aliments, la boisson, les biens, l'honneur, le sang, etc. Le Coran a été révélé en fragments, en fonction de la nécessité et en fonction des circonstances. En fonction de la nécessité du moment et en fonction des circonstances qui se présentaient ou soumis à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur long combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. La révélation les encourageait à persévérer dans cette voie. Méditez certains exemples de la révélation graduelle du Coran. Prends sourate l'An'am, qui est une sourate mikwaze, qui clarifie les fondements de la foi, les preuves du monothéisme, et qui met en garde contre le polythéisme, et clarifie ce qui est licite, et ce qui ne l'est pas. قال عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. La traduction approximative du sens de ce verset: dites, venez que je vous recite ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté, car c'est nous qui pourvoyons à votre subsistance ainsi qu'à la leur. N'approchez pas les turpitudes manifestes ou cachées et ne tuez pas celui dont Allah a interdit le fait de le tuer, si ce n'est de plein droit. Voilà ce qu'il vous ordonne afin que vous raisonniez. Puis après ce verset, les détails de ces statuts cités dans ce verset ont été révélés à Médine, ainsi que les sentences qui les concernent. Et il est dit dans le verset, قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, n'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude, une voie mauvaise. Remarquez qu'Allah, ici dans le verset, qui est un verset médinois, dit, prescrit, subhanahu wa ta'ala, les péchés, mais pas tout simplement de les commettre, mais en interdisant aussi de s'en approcher. Ce qui est une mise en garde encore plus forte. Hein? Car le fait de s'en approcher, pouvant y faire tomber. Et là, il faut comprendre aussi que les moyens qui vont faire tomber dans la turpitude sont interdits aussi. Hein? Les moyens qui mènent vers une obligation sont une obligation. Mais les moyens qui font tomber dans l'interdit sont interdits aussi. Hein? Le flirt, le fait de discuter avec une femme dans la qualité étrangère, le fait de rester tout seul avec, tout ça, ce sont des moyens qui vont amener vers zina, vers la turpitude, vers le blâmable. On voit que dans le verset, Allah a interdit d'approcher tout ce qui peut conduire à la fornication. Car c'est une mauvaise voie qui mène vers le châtiment. Et voici un exemple clair dans l'évolution des lois par degré, celui concernant le khamr, le vin. Le khamr en arabe, c'est tout ce qui couvre la raison. La nuit de muscade, c'est un khamr, parce qu'il couvre la raison. Hein? Et la macération des dattes, en mettant des dattes dans un endroit dans de l'eau, on les laisse, ça va devenir de l'alcool. C'est enivrant. Comme les raisins et ainsi de suite. Aussi, hein, la bière qui est faite à base d'orge, elle est énervante aussi. Donc c'est quelque chose qui couvre la raison. قال عز وجل ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Il dit dans le verset, et des fruits des palmiers et des vignes, vous tirez une boisson enivrante, et une nourriture excellente. Il en est en cela un signe pour ceux qui raisonnent. Regarde, les boissons fermentées, qui sont tirées des arbres et des raisins. Méditez comment Allah Azza wa Jal a décrit seulement la nourriture d'excellence. En revanche, les boissons fermentées, tirées de dattes, de raisins et autres, enivrantes, montrant ainsi le côté néfaste de ces boissons. Et puis après, le très miséricordieux a descendu le verset dans lequel il blâme tout ce qui est vin, tout ce qui est alcool, tout ce qui couvre la raison. قال عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. La traduction approximative du sens du verset nous dit, il t'interroge sur le vin et le meisir, les paris, hein, l'auto, autre, tous les paris, tiercé, j'en passe. Il t'interroge sur le vin, sur le meisir, les paris. Répond, tous deux comportent un grand péché religieux. C'est-à-dire, tous deux comportent un péché dans la religion d'Allah. Et tous deux comportent un grand péché et nombre d'avantages pour les gens. C'est-à-dire des avantages mondains. On les vend, hein, ils se prennent un plaisir momentané. Mais le péché qu'ils renferment est plus grand que leur utilité. Donc ce verset montre que le vin a des avantages temporaires et de graves côtés néfastes, car celui qui le consomme commet un péché, il en résulte une perte de santé, de raison, d'argent, c'est aussi un excitant de la perversité et de la désobéissance, Et puis le verset a appelé de s'éloigner du vin et des paris, car les paris sont néfastes aussi pour la vie de la personne, pour sa raison. Puis, combien de ceux qui ont perdu leur fortune dans les paris sont devenus fous, ils ont perdu la raison? Hein? Combien sont devenus clochards? Combien ils ont divorcé leur famille à cause des paris? Puis les soumis à Allah ont été avisés de son interdiction au moment de la prière. Regardez, étape en étape, degré en degré. Il est dit dans le verset, « Ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. » Il est dit dans le verset, « Ô vous qui croyez, ne vous rendez pas à la prière en étant en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. » Et après est arrivée l'interdiction. Hein? قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Après, il y a eu le verset final de l'interdiction. Ô vous qui croyez, le vin ainsi que les paris, l'autel sacrificiel et les flèches divinatoires ne sont qu'une impureté, œuvre de Shaitan, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Shaitan n'a d'autre but que de susciter à travers le vin et les paris l'inimitié et la haine entre vous. Détournez-vous détournez de la mention d'Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser? Quand ce verset est descendu, les compagnons ont dit tout de suite, on cesse à Rasulallah. Et ce jour-là a été vu comme un fleuve de vin qui coulait dans Médine à travers les ruelles de Médine. C'est-à-dire toutes les réserves qu'ils ont eues, ils les ont versées dehors. Quand ce verset est descendu, khlas, c'est fini. Et ceci est l'interdiction de l'alcool en tout temps et en tout lieu. Aïcha radiallahu anha nous éclaircit sur le but et la sagesse de la révélation, que la révélation descend graduellement. Il a dit radiallahu anha wa arda, parmi les premières sourates qui ont été révélées, une sourate du Mufassal. Le Mufassal commence de sourate Qaf jusqu'à Nas, qui fait allusion au paradis et à l'enfer, et ce n'est que lorsque les gens se sont repentis et ont embrassé l'islam que furent instaurés le licite et l'illicite. Et si c'était l'ordre de ne pas boire le vin qui était instauré en premier, ils auraient dit non, nous n'abandonnerons jamais le vin. Et si c'était l'ordre de ne pas commettre l'adultère qui était instauré en premier, ils auraient dit non, nous n'abandonnerons jamais la fornication. Et le hadith, il est rapporté par Imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. Wa subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.